Tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. I got that lipstick smeared around my face. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. This ain't the first time. À tous les postes, soyez prêts pour hyper atomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bienvenue à tous à Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Et oui, une autre grosse émission. Et c'est un spécial 2 heures cette semaine et la semaine prochaine également, parce qu'on vous aime, parce qu'on aime les jeux et parce qu'on est passionné. C'est tout simplement ça. Bonjour Andrew Castegan. Bonjour Monsieur Michaud. Comment va la console et comment vas-tu? Ah, cette semaine, la console se sent un peu délaissée. C'est mon ordinateur qui paye. Et oui, parce que cette semaine, un petit spécial Diablo 3, et oui, vous vous en doutiez, j'imagine, sorti de Diablo 3 le 15 mai dernier. On va parler du jeu, on va parler des ratés, on va parler des bons coups de Blizzard également. Donc, la première heure sera principalement consacrée à cette nouveauté, et en deuxième heure, des nouvelles ludiques, bien évidemment. Et Andrew, tu vas nous parler, parce que toi, tu as eu la chance de jouer un peu, quand même, à Diablo. Pas moi. Moi, je vais attendre parce que je suis un homme patient, mais j'ai bien hâte de t'entendre parler sur ce sujet, et on va bien évidemment vous rappeler, en commençant cette émission, que Puissance Maximale, c'est aussi un site internet, le www.puissancemaximale.com, où vous pouvez trouver nos anciennes émissions, des podcasts, des nouvelles à l'occasion également. Donc, c'est un site à aller visiter, bien évidemment. Aussi la page Facebook de Puissance Maximale. Vous allez dans la barre de recherche Facebook et vous tapez Puissance Maximale et vous nous trouverez très facilement. Également, il y a le site internet de CKIA FM, le CKIAFM.org, où vous pouvez aller chercher votre carte de membre. C'est le temps. Allez-y. Un petit 20$ pour encourager un micro libre à Québec, de la bonne musique différente de ce qu'on entend ailleurs, et aussi des bonnes émissions comme Puissance Maximale, bien évidemment. Et on continue. On va débuter cette émission en musique, comme à notre habitude. Et évidemment, là, cette semaine, avec ce qui se passe au gouvernement provincial et aussi fédéral, faut pas oublier que les conservateurs essaient de nous en passer des petites vites avec le C-38, entre autres, et à Québec, avec la loi spéciale pour les étudiants. J'ai décidé de mettre quelques chansons plus engagées cette semaine, plusieurs. Et on va commencer, bien évidemment, avec quelque chose qu'on a entendu pendant les manifestations de 2005. Et je crois que c'est d'actualité, malheureusement encore. Ça s'appelle « Libérez-nous des libéraux » du groupe Loco Locas. Et vous entendez ça à Puissance Maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Malheureusement, on a marqué trop d'années de l'histoire de la province de Québec. Premièrement, le mépris le plus complet pour l'intelligence du citoyen qu'on considère comme une simple marchandise électorale. Et deuxièmement, la servilité d'un parti de rois nègres qui sont en fait les valets de chambre de certains gros intérêts, surtout les plus rapaces, qui eux aussi méprisent la population comme une espèce de tribu arriérée qui est faite pour être exploitée à loisir. Au tour maintenant du chef du Parti libéral du Québec, M. Georges Charest. Merci, mon pète. Je suis prêt. L'équipe libérale est prête. Nous sommes prêts. Prêt pour prêt, la charrue, charrette, char des chars, tout en char, puis la charpente de la maison qu'on a mis 40 ans à bâtir. Moi, c'est pour toi que militer pour Amir Kadir. Maintenant, la table est mise pour 4 ans à bâtir. À pâlir, à vue d'œil, à hurler, à la vue. De la bande d'abrutis qui bras d'abri d'abattus. Qui vendent à rabais par la bande. Que pas de prix, une fois le monde a fini de payer sans d'un abatti. Coupe sombre, coupe à blanc, coupe gris. Alouette, je t'ai plus marré. Et puis pour couper court au courant populaire, va ta bouffe et touffe, la foule est légifère, à tombeau ouvert. Puis tout sourire, ça à la soupe populaire. C'est ça être solidaire quand on a sacré tout à terre. Afin de faire taire un argumentaire, un égantaire d'Amérique. mairie fait son affaire. Ça fait bien trop l'affaire. Dirigeant d'affaires du Canada pis du conseil du patronat. Baillon, bon baillon, je raille pareil le patron des patrons. Ta gueule, taillon. Si le démat, démat, tellement t'excite tellement que c'est comme de la musique à tes oreilles. Comment t'aimes le tête à mort des barbares? Dans tes tympans d'avoir à gare. Face à la menace de la patrie, on brandit le poing de la patrie à la face des bandits. Face à la menace de la patrie, on brandit le poing. L'épée qui nous même carnes, des biens et services publics en lice. Faut que ça finisse la chasse au BS pour eux, c'est une business. Inespéré, pis ceux qui dépérissent, il reste plus qu'à prier. Saint-Jean-Baptiste, ça prendra ma race de séparatistes. Il y a pas de place, on peut pas faire la pièce. Contrat de performance pour la SJF, pour les CPE, pour les SDF. Hey, un impôt sur la quête. Ça serait pas bête. Ça dirige le Québec comme une PME, comme un pimp, c'est pute pour qu'elle aligne les pays. PES, si ça sait, ça se connaît. La clé du succès pour le 24 succès, c'est d'asexuer le Québec. Quel beau sujet pour Jean-Claude Labrec à hauteur de gnome, hauteur de braguette. Sucer debout, c'est ça, se tenir drette. Je suis prêt. On est loin de maître chez nous. Maintenant comme jamais, y'a un traître chez nous. Ça s'entend quand ils parlent comme un derrière de boîte de céréales. Si tu penses me faire taire, tu fais à ton âge détarisable. Je vais sous ton ciel, musée, je suis ton féal. Face à la menace de la patrie, on brandit le poing de la patrie à la face des bandits. Face à la menace de la patrie, on brandit le poing. L'épée qui nous délibérera. Libérer tous les libéraux. Vous qui conçoivent le Québec depuis 10 ans, véritable sous-marin. Soi-disant nous dans la même émate, nous dématés. En parquant le gros bac pour des fédéraux dans nos eaux. C'est sûr que ça s'inue comme la moelle dans nos eaux. En somme, ça me semble simple sous les libéraux. Québec et Ottawa sont les lames de ciseaux. L'une décrisse les racines du lycée. L'autre s'immite sur sein de nos services. Ça fait qu'émasculer, puis enculer. Le calculer, pas compliqué, on va reculer. Devant un tas d'unifoliés déployés à tous les paliers. Croyez qu'on va tous se noyer, broyer. Président directeur général du Canada. Je suis heureux de constater que les cocococas s'intéressent au Parti libéral. Et j'ai dit libéral, j'ai dit libéral. Dame des libérés, libérés, libérés. Dame des libérés, libérés, nous libéraux. Dame des libérés, libérés, libérés. Dame des libérés, libérés, nous libéraux. Yeah. Friedemann Friese und Sie hören Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale après cette chanson des Locolocas qui exprime un peu le ras-le-bol que certains en ont, dont moi. Nous allons parler évidemment de choses ludiques. On va vous parler de la sortie de Diablo 3 dans notre première heure d'émission. Grosse sortie, ça fait quand même plusieurs années que les fans de Diablo et les fanboys et les fangirls de Blizzard attendaient ça et autres joueurs. Et c'est finalement arrivé et Monsieur Andrew Castegan a joué au jeu pour lui-même, mais aussi un peu pour nous. Alors Andrew, qu'est-ce que t'as pensé de Diablo 3? Diablo 3, je te dirais que j'ai un sentiment mitigé. Oh! Si on regarde... En fait, on peut séparer ma critique en deux parties. Première partie, si on regarde uniquement le jeu... Parlons du jeu, premièrement. On parlera des autres choses plus tard. Si on regarde uniquement le jeu, c'est une bombe. On a un hack and slash très intéressant entre nos mains. Là, exactement. T'es toute personne qui connaît Diablo, dans le fond, l'univers de Diablo, va vraiment adorer le 12 ans là, que ça l'a pris à Blizzard à élaborer le jeu. Parce que quand on regarde le scénario, quand on regarde le point de vue d'évolution des personnages, on revoit des personnages qu'on a vus dans les autres précédents Diablo, l'évolution, et là, surtout que Blizzard, il se gêne pas. Là. Il dit, regardez, là, ça fait 12 ans, là. On va faire bouger les affaires, on va préparer le terrain. Parce que Diablo, veut pas, il y a une mythologie. On s'entend-tu qu'actuellement, trois quarts de la mythologie des enfers dans l'univers de Diablo, c'est plus là. T'es Diablo, le cristal a été détruit. Dans Diablo 2, si vous le saviez pas, spoiler. Mais, là, mais bref, après 12 ans, on n'a plus vraiment d'excuses. C'est ça. Fait que t'es dans le fond Diablo, il y a pas vraiment de façon. Il y a Mephistos, je me rappelle plus le nom, mais t'es l'autre, le bras droit de Diablo qu'on battait dans Diablo 2 l'expansion. T'es, il reste comme les sous-fifs un peu de Diablo, et là dans le fond le 3 ça part, puis il y a de la marde là, sérieux là. Le monde humain là, il y a des grosses affaires qui se brassent dans le paradis. C'est l'enfer sur terre, comme on dit. Mais t'es dans le fond, c'est le paradis sur terre, le paradis. Il y a de la merde qui se brasse là, il y a l'enfer là, que là ça bouge, il y a des affaires qui se passent. Fait que t'es là, c'est pas parce que Diablo il est pas là que t'es les humains s'en tirent là. Il y a encore des actions, la guerre entre les cieux puis les enfers, c'est encore là. Mais t'es, je peux pas vraiment donner spoiler parce que je viens de finir l'acte 1 là, du jeu. Il y en a quand même plusieurs. Je pense qu'on parle de 4 actes ou 5. T'as fini l'acte 1, mais on doit rappeler que certains Coréens déjà ont fini le jour même, je pense. En 7 heures, ont réussi à finir le jeu. C'est ça. Mais par exemple, pour finir le jeu en 7 heures, c'est que t'as pas profité de l'histoire. Là. T'as sauté les cinématiques, t'as sauté les dialogues. Là. C'est officiel. Mais t'es... Je vous dirais, l'univers est là. Blizzard n'ont pas essayé de réinventer la roue avec Diablo. C'est ça, on se retrouve encore dans un combat entre ciel et enfer. Les humains ont leur rôle à jouer. Donc, pas une surprise à ce niveau-là. Mais, écoute, côté... si on s'y fait aux cinématiques, c'était quelque chose de quand même intéressant. Mais tu me parlais hors d'onde tantôt que c'était pas un jeu qui était si demandant que ça, côté technique pour la machine. Parce qu'on l'a sur PC... Ce jeu-là, est-ce qu'il va sortir? Je pense qu'ils vont le sortir. Ils veulent le sortir sur console. Il y a un projet console, mais c'est pas encore officialisé. Mais pour le moment, c'est PC, PC, PC. PC et Mac. OK. Donc là, pour le moment, tu me dis que c'est pas si demandant que ça. En fait, c'est surprenant. C'est sûr que si t'as un vieux Pentium 3 qui traîne dans le fond de ton garde-robe, il marchera pas. Là. Non, ça c'est sûr. Mais t'es, c'est un peu comme StarCraft 2. T'es, StarCraft 2, c'était surprenant. Le jeu est quand même beau. T'es, c'est un beau moteur. T'es, c'est sûr, c'est pas la fine pointe de la technologie. T'es, c'est pas le moteur graphique de Crysis là. Mais t'es, Diablo 3, c'est à peu près le même principe. Blizzard ont essayé de mettre un moteur graphique qui a de la gueule, qu'on voit bien, mais t'es, qui est pas trop demandant là, sur le... Mais on n'en perd pas justement côté esthétique là, quand on joue. Là. Ça... Non, c'est ça. C'est juste qu'au pire aller, si on descend la qualité graphique, il y a un peu un brouillard qui se met et pour qu'on voit moins loin, pour pas qu'on perde la qualité de détail là, dans le fond là, que le jeu a à offrir. Mais t'es... Diablo, ça a toujours été brumeux. Là. Même à l'époque du 2D, quand tu te promenais dans Tristram, qui est la ville de Diablo en passant, il y avait du brouillard. Là. Fait que si on joue dans la machine, si on a une grosse machine, on joue maximum, comme exemple ma machine peut faire, ben, t'es, on voit hyper loin, on voit que c'est lugubre, qu'il y a un petit brouillard, mais t'es, si on baisse la qualité, c'est juste que le brouillard est plus opaque. Fait que t'es, c'est pas si pire que ça. Là. Mais je vous dirais, en tant que tel, peut-être, t'sais, si on met le moteur graphique, si on met le scénario, si on met t'es, le travail que Bizarre a mis, je vous dirais, c'est un A+, sans problème. Il y a juste une chose que moi, de mon côté, m'accroche au niveau du jeu en lui-même, c'est la simplification de l'évolution des personnages. Si vous les arbres de compétences sont moins développés que dans le Diablo 2? C'est plus que ça, c'est qu'aussi, en fait, quand vous choisissiez une classe, ça, quand vous montiez de niveau, vous décidiez vos stats au niveau de la force, au niveau de la dextérité, et vous aviez des compétences que vous choisissiez dans un arbre. Ça, c'est plus là. En fait, quand on monte de niveau, le jeu s'occupe lui-même de monter nos statistiques et tout le monde a les mêmes compétences. En fond, quand on rentre dans le mode compétences, c'est un tableau et on a les compétences et à quel niveau on les débloque. La seule chose qui est différente, c'est que compétence a des runes. Et ça, ça va faire une variante, dans le fond, au niveau là, de l'utilisation du skill exemple. Ça va faire de l'éclair, ça va faire des choses comme ça. Et ça fait en sorte que chaque personnage va avoir leur petite variante avec le skill. Mais tu sais, c'est pas mal la grosse différence. Qu'est-ce qui va faire la différence vraiment avec le joueur, entre un joueur X et Y, c'est l'équipement. Parce que, dans le fond, Blizzard ont mis une pelletée d'équipements. Ils ont mis un système de crafting où on peut créer nous-mêmes notre équipement avec des enchantements aléatoires. Donc, il y a une possibilité impressionnante d'items que nos personnages peuvent équiper. Et c'est, dans le fond, ça qui va vraiment faire une différence au final. Ça va être vraiment l'équipement parce que le personnage va ressembler à tous les autres, finalement. À part certaines petites variantes, comme tu nous disais. C'est ça, exactement. Okay. Et ça, je trouve que c'était de valeur parce que, dans le fond, le monde, il pouvait faire un wizard puis augmenter un peu plus la force, ça devenait le cas qu'il voulait se battre. Faire plus de dégâts au corps à corps. C'est comme exemple, quand moi je me faisais un Necromancer dans Diablo 2, ben je mettais toujours sa force un peu plus haute parce que c'est bien beau vouloir s'appuyer uniquement sur les squelettes et les affaires que le Necromancer montait, mais à un moment donné, il faut que tu sois capable de se défendre tout seul. Fait que tu sais, je le montais comme je voulais. Tandis que là, que tu prends un monk, un barbare ou un wizard, c'est pas toi qui décides la façon que le personnage va évoluer. Ça, j'ai trouvé que, étant un vieux fan de Diablo, c'était pas un bon choix. Mais en faisant ça, ils ont ouvert encore plus de portes aux gens qui n'ont pas joué à Diablo. Parce que c'est sûr qu'après 12 ans, ben il faut qu'ils s'attendent en même temps qu'il y ait des nouveaux joueurs, puis ils ont voulu simplifier ça pour le rendre le plus accessible possible à tous. Mais là, tu nous parles justement des personnages. Là, on doit s'attendre à quoi comme personnage? On connaît l'habituel, justement le magicien. Il y avait le barbare à l'époque, entre autres. Là, il y avait d'autres personnages aussi avec l'expansion qu'il y avait eu dans Diablo 2. Là, on s'attend à quoi? Qu'est-ce qu'on a finalement de faire dans Diablo 3? Ben, en fait, une des nouveautés, c'est qu'à cette heure, chacune des classes peut être masculin ou féminin. Si on se rappelle, Diablo 1, Diablo 2, si on prenait le warrior, c'était un homme. Le barbare, c'était un barbare, puis... C'était un homme. Le wizard, c'était une femme. T'sais, on n'avait pas la possibilité de changer le sexe. À cette heure, toutes les classes, on peut choisir d'être un homme ou une femme. On va retrouver le traditionnel barbare, dans le fond, que moi, j'appelle l'infligeur de dégâts, parce que, dans le fond, c'est le tank, dans le fond. Lui, il rentre dans le tas, puis il fait des dégâts tout plein à une cible. Après ça, il y a le moine, que dans le fond, lui aussi, c'est un peu le même principe de tank, sauf que lui, il fait plus des attaques au niveau area. Donc, il touche pas juste un ennemi, mais une multitude d'ennemis. Le moine va plus servir pour les diversions. Si vous voulez être quelqu'un qui attire l'attention des mobs puis qui encaisse tout plein de dégâts, le moine, c'est le personnage. C'est celui-là que je joue. Après ça, vous allez retrouver le wizard, qui est évidemment le classique. Après ça, vous avez le Demon Hunter, qui est une nouvelle classe, dans le fond, qui est arrivée. Si vous voulez avoir... Je pense qu'on la voyait dans le trailer, ce personnage-là. Oui, avec un genre de capuchon, avec des arbalètes. En fait, ça, voyez ça un peu comme un mélange entre l'Amazon, qui était l'archer, et le ninja, l'assassin. L'assassin, oui. C'est comme un mix qu'ils ont fait des deux. Fait que dans le fond, c'est beaucoup à distance, pas beaucoup d'attaques rapprochées, puis pas beaucoup de points de vie. Fait qu'on n'essaye pas de se mettre en plein milieu de la mêlée. Là. On laisse ça aux barbares et aux moines. Ouais. Après ça, il y a le Witch Doctor, qui est un peu l'évolution du Necromancer qu'on avait, dans le fond, là, dans Diablo 2 et les autres. Là. Mais par exemple, plus côté voodoo, chaman. Donc, c'est pas tant les morts-vivants, tout ça, comme le Necromancer. Il peut incanter des araignées, des choses comme ça. Puis ses armes, c'est des poupées voodoo, des genres d'affaires comme ça. Là, donc, t'es plus le côté magie noire que le sorcier a pas, dans le fond, là. Mais c'est quand même toutes des classes très bien balancées. Chacun, tu sais, qu'on joue à quatre, c'est le fun quand que chacun a leur classe. Parce que ils viennent tous se compléter. Mais si on joue en solo, ben on est capable de. On est capable de jouer et on s'en prend handicapé. Ce que je trouve intéressant, là, on sait que ça a été. Il y a beaucoup de multiplayer, c'est beaucoup axé. Là, quand même à Diablo 2, on aime beaucoup ça jouer multiplayer. Mais tu me dis. Puis c'est une de mes craintes, là, vous le savez, à l'émission, on en parle souvent. Mais on peut jouer solo puis se faire du fun pareil. C'est ce que tu me dis, là. On est balancé puis on peut s'en sortir bien, on peut jouer tranquille. Oui, si on fait l'exception de quelque chose, je vais parler plus tard. Oui, on peut jouer en solo puis être juste le barbare, juste le moine ou juste le wizard et bien s'en tirer. C'est sûr que. Le Witch Doctor et le Wizard vont peut-être être plus durs, t'sais, au début à partir, parce que c'est pas des corps à corps. Fait que quand on tombe contre les premiers boss qui ont tendance à tout le temps venir attaquer au corps à corps, mais ça va être plus dur pour quelqu'un qui joue un magicien. Mais c'est faisable. C'est juste que c'est juste le temps qu'ils prennent en puissance puis là qu'ils débloquent les bons skills, tout ça. T'sais, c'est le même principe pour le moine, t'sais, c'est le moine, ça causait même beau faire des attaques en. Avec tout, contre tout le monde autour, mais à un moment donné. On arrive moins, un contre un. C'est ça, c'est, il fait moins mal, mais t'sais, il fait tout plein de mouvements pour attaquer autour de lui, mais il n'y a personne autour de lui. Là, t'sais. Fait que c'est pour ça que t'sais, il y a des skills plus loin t'sais, qui peut faire en sorte qu'on se concentre plus sur une cible, puis ce genre d'affaires-là. Là. Fait que t'sais, c'est juste faut les débloquer. Fait que c'est sûr qu'il y a des classes qui partent fort, comme le barbare. Habituellement, les classes physiques dans tous les jeux, c'est ce qui est le plus facile à jouer au départ. Là. Ben, c'est ça, exactement. Tandis que t'sais, le Demon Hunter, le Witch Doctor. Ils sont plus à distance, mais normal, ça prend pas de temps avant de débloquer les skills pour le corps à corps avec le Demon Hunter. Le Demon Hunter, il lance des bombes en avant de lui ou en arrière, dépendamment. Et ça éloigne. Ça a un effet knockback, là, dans le fond. Donc, ça recule les ennemis. Fait que, ça permet de se gagner le petit jeu là, qu'on a besoin là, pour pouvoir utiliser nos attaques à distance pour descendre, dans le fond, là, les monstres. Là. Là, tu nous parles du mode solo, mais le mode multijoueur, je trouvais intéressant. On peut jouer finalement nos amis pendant qu'ils jouent, on n'a pas besoin d'aller les rejoindre à telle place, puis on arrive, on pop dans le jeu où est-ce qu'il est et voilà, on commence. Ben en fait, c'est ça, c'est que chose qu'on fait dans Diablo 3, qu'il y a des pour et des contre, c'est que faut toujours être connecté sur Battle.net. Fait que même si on joue en solo, on voit qu'est-ce que nos amis font, puis on peut les inviter à joindre notre game. C'est un peu le même principe que dans StarCraft 2, quand on crée un party dans le fond avec ses amis, il y a un party leader. Et cette personne-là, dans le fond, c'est dans sa game à lui qu'on joue. Fait que, tu sais, si, exemple, nous autres, on a un personnage qui est dans l'acte 1 et que le party leader est dans l'acte 2, mais si c'est le party leader qui nous invite, on va intégrer sa game dans donc, on n'aura pas vu toute l'histoire, finalement. C'est ça, mais ça n'impactera pas la nôtre. Tu sais, mettons qu'on retombe en solo, mais on va recommencer où est-ce qu'on était. Puis le jeu va toujours se balancer. Les monstres sont finalement. Ben, c'est ça, si on est tout seul, il y a une quantité de monstres X. Si on est deux, il va augmenter la quantité. Non, mais je veux dire, on va jouer dans l'acte 2, on monte de niveau plus rapidement un peu, on revient à l'acte 1. Ben, c'est sûr, les monstres sont plus durs. Fait qu'ils vont donner plus d'XP, là, c'est sûr et certain. Mais je veux dire, quand tu vas revenir dans l'acte 1, est-ce que ton bonhomme va être surpuissant et tuer tout ce qu'il y a de monstres plus facilement ou le jeu s'ajuste à ton niveau? Le jeu s'ajuste. Il y a des monstres qu'on tue facilement parce que, tu sais, ils sont pas faits pour être des monstres hyper torcheux. Mais quand on est trop fort dans une zone, qu'est-ce que le jeu va faire? C'est qu'il va rajouter des facultés spéciales au monstre. Exemple, tel monstre va devenir un téléporteur. Fait que là, on va commencer à se battre contre lui, mais il peut se téléporter ailleurs dans la map. Fait que là, on va commencer à faire une attaque, il va être rendu en arrière de nous autres, des choses comme ça. Fait que le jeu, il va balancer comme ça. Si on est trop fort pour une zone, il va juste mettre plus de monstres spéciaux. Puis il y en a là-dedans qui sont vraiment suants. Il y en a qui font des wallers, là, qui appellent, là, ils font apparaître des murs en avant d'eux autres. Fait que on fait des attaques, il fait apparaître un mur, on le touche plus. Il s'en va pendant ce temps-là. Fait que là, t'es comme bon. Fait que là, faut que tu détruis le mur. Il y a quand même une tactique, même si c'est du hack and slash, là, il faut quand même faire attention à certains types d'ennemis. On pourrait parler en terminant pour vraiment parler du jeu. On va parler du gameplay un peu. C'est un point et clic. C'est quel genre d'interface qu'on a pour se battre? On a sûrement une barre en bas, là, qu'on appelle des hotkeys, là. Donc. Oui, ben, en fait, le jeu se joue majoritairement avec la souris. Dans le fond, pour se déplacer, c'est les clics. Les attaques au corps à corps sont attribuées au clic gauche et au clic droit. Ça, c'est différent parce que, dans le fond, le clic droit avant, dans les autres Diablo, servait majoritairement pour les spells et certaines habilités. Tandis que là, on peut mettre deux types d'attaques mêlées, un sur le clic droit, un sur le clic gauche. Après ça, les compétences des attaques plus spéciales, dans le fond, il y a une barre effectivement dans le bas, mais il fait référence aussi aux touches 1, 2, 3, 4 sur le clavier. Donc, on peut mettre jusqu'à 4 skills, dans le fond, dans les hotkeys. Par contre, si vous n'équipez pas le skill, vous pouvez pas l'utiliser. OK, il faut ben, l'équiper, faut se préparer à l'utiliser finalement. Exactement. Mais c'est quand même assez facile. T'sais, quand on va dans skills, puis on change l'attribution, ben on a un petit cooldown d'à peu près 5 secondes, à peu près. C'est très rapide. Puis t'sais, une fois que c'est fait, là, on peut utiliser la compétence, là, dans le fond, là, contre un boss ou un monstre. Parce que on a certains qui sont plus forts contre d'autres. Fait que c'est agréable qu'on puisse changer nos compétences rapidement là, à ce niveau-là. Là. Est-ce que ben, finalement, est-ce que c'est très difficile comme jeu? Est-ce qu'un fan va retrouver un peu le même genre de difficulté ou c'est plus facile, plus difficile? Ben, il y a un différents peu? Niveaux de difficulté. Ouais. En fait, c'est quand on joue à normal, ça offre un défi. Mais t'sais, c'est pas exagéré. Quand on joue à hardcore, ben c'est on meurt. Le personnage est plus tuable. Ouais, le mode hardcore, ouais, qui était dans le jeu. On retrouve les mêmes principes, là. T'sais, toute personne qui a déjà joué à un jeu de Diablo sera pas en terrain inconnu. Puis les niveaux de difficulté, c'est pas des noms bizarres comme cauchemardesque et des choses comme ça, là. T'sais, c'est vraiment easy, normal, medium, puis etc. Là. Fait que t'sais, on est un joueur qui a jamais joué sait que s'il est pas très très bon, il se met à normal, donc il sait que ça va être correct. N'importe quel joueur qui s'intéresse à Diablo 3 va pouvoir jouer finalement sans être tué aux deux secondes et perdre son perso. C'est ça, puis aussi une chose qui est bien, c'est contrairement aux autres Diablo, quand on meurt, on perd pas de l'XP. Ah. Donc, c'est l'équipement. Dans le fond, qui s'endommage de 10%. Fait que t'sais, c'est juste que est-ce qu'on peut aller le faire réparer? Oui, on peut aller le faire réparer. Ah. C'est juste que dans le fond, ça nous coûte de l'argent, mais t'sais, nos stats ne sont pas affectées versus d'autres Diablo où on pouvait perdre de l'expérience ou des choses comme ça. Qu'est-ce qui pouvait devenir suant quand on arrivait à un segment difficile? Puis, dans le fond, ils ont aussi intégré un système de checkpoint. Donc, dans le fond, quand on meurt, puis on est rentré dans une zone, parce que la map a de l'air assez grande, je vous dirais, là, quand on explore, ça va loin. Puis, t'sais, ils ont mis des waypoints, là, les genres de téléporteurs, mais. Tu sais, quand on est dans le fin fond d'un donjon, là, puis on est rendu à 3-4 niveaux plus bas, puis il n'y a pas de téléporteur, puis on est obligé de tout se retaper, parce que là, les monstres, ils réapparaissent quand on meurt. Ben là, il y a des checkpoints. Fait que quand on meurt, on réapparaît au checkpoint, puis on rejoue le chapitre. Fait que c'est moins, bien. On n'a pas besoin de refaire tout le chemin, refaire le donjon pour retourner au point où on était. C'est ça, puis on perd pas notre équipement aussi. Quand on mourait avant, on perdait de l'or, notre équipement tombait à terre, fait que là, on a recommencé à Tristram avec plus rien. Fait que on n'a pas à aller rechercher notre équipement. On réapparaît au checkpoint, on a notre stock qui est juste endommagé, fait moins de dégâts, moins efficace, mais on est capable de... Revenir à notre état initial sans trop... Je trouve que c'est une bonne amélioration, personnellement. Là. Excellent. Ben, merci beaucoup, Andrew, de cette critique de Diablo. On vous revient après une chanson là, pour vous parler d'autres aspects qui tournent autour de Diablo et de son lancement, parce que c'est pas fini. On vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est une émission spéciale de 2 heures de puissance maximale, et la première y est consacrée presque entièrement à Diablo 3. Donc, on y va en musique avec une chanson qui s'appelle Decisive Battle, avec le groupe Power Glove que vous connaissez. Là, on fait jouer souvent ici groupe metal qui fait des corps de musique de jeu et de musique de vieux dessins animés. Donc, Decisive Battle, vous reconnaîtrez sûrement, pour les connaisseurs, la chanson. Vous attendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. je suis Normand Lamour et puis vous écoutez Puissance Maximale. Mon petit bébé d'amour. Oh oui. Merci Normand de cette belle introduction. Et on continue en parlant encore de Diablo 3. Et Andrew, tu nous disais tantôt, on a fini de parler du jeu. Tu nous as dit que c'était un, en tant que tel un bon jeu, un bon hack and slash. Mais tu nous as dit tantôt en début de chronique que c'était mitigé. Oui, en fait, pas tant mitigé par le contenu du jeu. Comme je disais, le jeu, c'est pas le jeu de l'année, mais c'est un excellent jeu. T'sais, je recommande à tout le monde qui aime ce genre de jeu-là de le jouer. Qu'est-ce qui fait en sorte que je suis mitigé? On en a déjà parlé plusieurs fois dans l'émission. Des fois, il y a des compagnies qui prennent des décisions qui sont pas bonnes. On va se permettre de le dire. C'est pas juste les compagnies de jeux. Il y a même des gouvernements ces temps-ci qui font ça. Ouais, ben c'est ça, on n'élaborera pas là-dessus, mais il y a des gouvernements exactement qui font des décisions comme ça. Mais juste pour vous donner une idée, le jeu est sorti mardi. Ça fait 2 jours quand même. 2 jours. Il y a eu des événements de lancement du jeu que tu pouvais aller chercher ton jeu à minuit dans la nuit de mardi à mercredi. On s'entend que quand normalement t'as un événement comme ça, c'est que tu t'attends à ce que quand t'arrives chez toi, t'installes le jeu marche. Mais ça n'a pas été le cas avec Diablo 3. Blizzard avait eu la brillante idée de faire des événements comme ça, mais le lancement officiel est à minuit 1. Heure du Pacifique. Donc, qu'est-ce qui équivalait à 3 heures du matin de notre côté? Donc, toute personne qui participait à un événement de lancement n'était pas en mesure de jouer à son jeu avant 3h01 du matin. Mais je vous garantis qu'il y avait du monde debout qui attendait pour jouer à Diablo à 3h du matin, heure du Québec. Exactement. Mais t'es, on le savait déjà. On en avait déjà parlé lors d'une nouvelle. Mais t'es, quand même, moi personnellement, faire un jeu, sortir un jeu comme Diablo 3 puis se dire « Go, on fait un lancement mondial » à minuit 1, heure du Pacifique. On pourrait s'ajuster au minuit des autres places. T'sais, ça ferait au moins une entrée progressive sur les serveurs. Parce que comme j'ai parlé tantôt, un des gros problèmes de Diablo, une des grosses décisions que Blizzard a pris, c'est qu'il faut absolument avoir Internet et absolument être connecté à Battle.net. Ça, ça comprend aussi le jeu solo. Le solo. Donc, faut être branché vraiment en tout temps sur le Battle.net. Donc, imaginez à minuit 1, dans les bureaux de Blizzard, les serveurs Battle.net, quand le serveur est ouvert. Il y a 4 millions de personnes qui ont essayé de rentrer en même temps sur le jeu. Les serveurs ont littéralement pété. Et quand je vous dis pété, c'est qu'ils ont fait pouf, puis il y avait un nuage de fumée, puis ça sentait le brûler. c'est littéralement à ce point-là. Donc, je vous dirais, ça a été une grande frustration, autant à mon niveau que sur Internet. Il y a eu de l'encre énormément qui a coulé là-dessus. Imaginez, vous achetez un jeu 60$. Il faut le rappeler, 60$, là, c'est un prix console, puis on n'est pas PC. PC, normalement, les jeux sur PC jouent normalement entre 39 et 49. Là, t'es, 60, je considère que c'est un jeu qui est très cher. Et ça, sans compter le monde qui ont payé 100$ et plus pour leurs éditions collectionneurs. Pourquoi je dis « et plus » Mais imaginez que vous n'aviez pas qu'il y avait une édition collectionneur, puis vous l'avez acheté sur eBay. Vous l'avez payé plus cher que 100$, ça, je peux vous le garantir. Fait que, t'sais, il y a cet aspect-là. Le monde y arrive, ils se connectent, créent leur personnage. Oup, tu fais sortir du serveur. Donc, il y a eu énormément de monde qui ont même pas, en plus, été capables de jouer à 3h01 du matin sur le jeu qu'ils ont acheté à gros prix dans les magasins. Et ça a été comme ça, du moins en Amérique du Nord, pendant quasiment toute la journée. Du lancement le mardi, les serveurs, le monde, ils rentraient dessus, ils se faisaient sortir, c'était lent, il y avait des coupures de service, jusqu'à temps que un moment donné, Blizzard se décide, on ferme tous les serveurs en Amérique du Nord et on va faire une maintenance. Les serveurs ont fini par réouvrir à 6h30 le soir, heure d'ici, et là, c'est là, à ce moment-là, que j'ai pu profiter de mon jeu. Jusqu'à ce que, à minuit, Battle.net au complet crash. Plus capable de jouer de la nuit. Donc, tu sais, ça, personnellement, bizarre, je vous dirais que c'est vraiment un mauvais coup. Parce que, premièrement, vous l'avez fait à 2 reprises dans le passé, ce genre de gaffe-là, puis on dirait que vous n'êtes pas capable d'assimiler que c'est une mauvaise idée. Le mass multiplayer, comme ça, sur des serveurs, puis on sait que c'est un lancement qui est très attendu, puis on s'attend à ce qu'il n'y ait pas de pépins. Il faut vraiment prendre les consommateurs pour des épées. C'est ça, mais si on se rappelle, Diablo 2 a été victime d'un genre de bug comme ça. Quand Diablo 2 a sorti, les serveurs Battle.net n'étaient pas disponibles au début parce qu'il y avait trop de monde. Donc le monde a chialé, mais au moins ils pouvaient jouer solo. au moins. Mais là, c'est pas le cas. Et là, c'est pas le cas. On peut juste pas jouer là, si le serveur ne fonctionne pas. Là. Et là, rappelez-vous aussi, après ça, il y a eu World of Warcraft quand il est sorti, qui a eu le même scénario. Les serveurs de World of Warcraft n'étaient pas capables de supporter la charge lors du lancement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des files d'attente. Fait que là, le monde a chialé. Puis suite à ça, ils ont fini par ajouter le nombre de serveurs. Mais imaginez-vous donc que Blizzard, ça c'est une nouvelle que j'ai vue tantôt, est en train d'envisager le même principe pour Diablo. Pour vous connecter au jeu. Vous voulez jouer en solo, vous allez être obligé d'attendre dans une file qu'une place sur le serveur que vous voulez même pas exploiter se libère pour que vous puissiez jouer. Moi, personnellement, Blizzard, je trouve ça complètement inacceptable. À la limite, World of Warcraft qui fasse ça, vous payez 39$ pour le jeu, puis vous payez par mois. T'sais, c'est un massif multijoueur, il n'y a pas de mode solo. C'est désagréable pour le joueur, mais c'est tolérable. Mais là, on parle d'un jeu qu'on paye gros prix. On donne plus le choix aux joueurs, finalement. Là. C'est ça, on parle d'un jeu qu'on paye gros prix, que le monde... Il y a beaucoup de monde que je connais, en fait, qui ne joue même pas sur le Battle.net. Ils veulent jouer au jeu en solo, faire leurs petites affaires, refaire le jeu plusieurs fois avec la classe, puis vraiment profiter, puis explorer tout. Mais là, si le serveur Battle.net, il marche pas pour une raison X, Y ou Z, il peut pas profiter de son jeu. Ou encore, exemple, il y a du monde qui aime ça voyager, emmener leur portable, jouer à des jeux sur leur portable. Ils peuvent pas jouer à Diablo dans un avion. Il y a pas Internet. Personnellement, je trouve que c'est vraiment complètement crétin, cette décision-là de l'entreprise. Parce que, en même temps, je trouve que c'est dénaturer un service. Parce que, première des choses, Battle.net avant, c'était un service de jeu en ligne où tu pouvais retrouver tes amis facilement et c'était des games. Maintenant, Battle.net, depuis que World of Warcraft est sorti, c'est rendu le nouveau Facebook du jeu. Ça a plus une vocation de réseau social. Tu peux mettre des statuts genre en ligne, pas là ou quoi que ce soit. Tu vois tout ce que tes amis font. Tu peux créer des parties, tu peux... Il y a quasiment une fonction de blog avec ça. Là. T'sais, c'est rendu que tous les sites de Blizzard, tu te logues avec ton compte Battle.net, puis ça fait ton account pour aller sur les forums. Donc, t'sais, c'est quasiment rendu un réseau social. Qu'est-ce que, à la base, c'était pas ça? Puis en même temps, on se le cachera pas. Ils disent, on veut faire en sorte que tout soit plus facile. Blizzard, arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. C'est un gros DRM camouflé. Pour le monde, qu'est-ce qu'ils savent pas un DRM? C'est quoi? C'est un principe, une façon de valider les copies de jeu pour savoir si vous avez piraté le jeu. Mais Blizzard sont forts là-dessus, puis on se rappellera, j'avais parlé pendant une chronique, là, une de mes chroniques sur le cheat, sur la triche. Mais StarCraft 2, c'est plus possible là, d'utiliser des trainers parce qu'ils vont considérer dès qu'on vous allez jouer en ligne, pas en ligne, mais même seul à la maison, là, ça va être du piratage, puis ils vont vous couper votre compte. Donc, c'est la même chose, là. C'est le contrôle là, du joueur et de son produit. Puis ça s'en vient, on en parlait avec les prochaines consoles. Moi, là, je suis un peu comme ça me tue, ça. C'est ça, mais en même temps, c'est qu'est-ce que je trouve complètement imbécile, c'est que la compagnie n'avoue pas que c'est ça. Blizzard n'a jamais avoué que Battle.net était rendu un DRM. Et je m'excuse, avec Diablo 3, mais StarCraft 2, ça avait déjà des allures de DRM et là vous venez juste de le confirmer encore plus en empêchant les joueurs, les gens qui ont acheté le jeu, le gros prix, de profiter pleinement de leur produit. Tu sais, on s'entend-tu, Mike? Tu t'achètes un jeu 60$, ça te tente de tricher en solo. On parle pas en ligne, là. On parle en solo. C'est mes affaires. C'est mon affaires. Jeu, c'est mon ordinateur ou ma console. Exactement. Puis tu sais, pourquoi t'enlever ce droit-là d'exploiter le produit que t'as payé comme tu le souhaites? Mais non, Blizzard, non. C'est un réseau social, c'est une plateforme de jeu. Moi, je dis personnellement, Blizzard, vous prenez le monde pour des épées. Mais il faut dire que Blizzard, ils ont une base de fans assez... c'est quasiment un culte, là. Les fanboys, les fangirls de Blizzard, là, étaient « Ah non, mais tu sais, c'est pas si pire, là, les coupures. » On réussit en 2 jours à jouer 4 heures parce qu'il y a des problèmes. Puis eux autres, ben, il n'y a pas de problème, eux. Puis là, dès qu'il y a des... Là, on va en parler tantôt, là, dès qu'il y a des petites excuses, « Bah, on vous comprend. » Non, ça marche pas comme ça, là. Il faut... On paye pour un service, je veux dire, pourquoi ne pas y avoir accès quand on veut, à l'heure qu'on veut et de la façon qu'on veut. Exactement. Puis un autre point négatif de ce fait-là, c'est juste, mettons exemple, tu joues en solo, t'as une machine pour rouler. Ben, parce que t'es, en fait, chose pour que vous sachiez, quand vous jouez à Diablo, même si vous avez la meilleure machine du monde, si vous avez une mauvaise connexion avec le serveur, mettons que le serveur est overloadé ou quoi que ce soit, même si vous êtes en solo, ça va impacter vos performances du jeu. Donc, peut-être dans le cas que vous avez une mauvaise connexion avec le serveur parce qu'il y a trop de monde, puis vous jouez en solo, vous pouvez avoir du lag. Mais c'est pas à cause de votre machine, c'est à cause que vous avez une connexion mauvaise avec un serveur que vous utilisez pas. Et ça, c'est un autre élément. vous avez des, vous pouvez ressentir des problèmes de performance dans votre jeu juste parce que le serveur est overloadé puis vous êtes même pas dessus. Fait, je pense qu'il y a une partie des informations du jeu pendant qu'on joue qui est traitée par le serveur. Exactement. Fait que ça, c'est un autre point que c'est juste parce que c'est vraiment la décision la plus désagréable de Blizzard. Ça a été vraiment de tout faire tourner sur cette plateforme-là. Et tu sais, comme je disais, le monde, ils disent ben des fois, oui, mais Andrew, ça sert à rien, tu chiales. Battle.net, c'est un service gratuit que Blizzard offre. Ben justement, si c'est un service gratuit, puis il m'oblige de passer par là pour profiter de mon jeu, ben qu'il s'arrange pour qu'il marche. C'est pas un service gratuit, c'est une obligation là. C'est pas un service qu'on rend aux gens là. C'est, on les oblige à aller jouer en ligne, à être connecté à Internet pour profiter de son jeu. C'est pas un service, c'est une obligation. Puis je veux dire, c'est permettre aux gens, c'est pas permettre aux gens de jouer entre eux autres, qu'on enlève là on est, c'est quand même louable de voir des compagnies qui essayent de transférer un peu une partie des performances du jeu sur leur serveur pour pouvoir permettre à des gens qui ont des machines moins grosses, moins performantes, de pouvoir jouer à leur jeu. Ça, c'est quand même louable, mais en fait qu'on devient dépendant de ce service-là, ça, c'est pas un service, c'est une obligation. On nous oblige finalement à jouer en ligne, même si on n'est pas intéressé. Puis ça affecte même la jouabilité, la possibilité de jouer et la performance du jeu. Non, c'est pas un service qu'on nous rend, pas du tout. Exactement. Puis une autre chose aussi que j'ai trouvé désagréable, c'est qu'il y a eu des tests avec des bêtas, justement, des stress, des tests de stress sur les serveurs. Puis Blizzard ont eu de la misère avec le bêta-test parce que justement, il y avait des coupures, des time-outs et tout ça. Et les bêta-tests, c'est une loi non écrite. Tu vas avoir peut-être le quart, même le dixième de la population sur voir le lancement, puis ils n'ont pas été capables de prévoir ça malgré un test ouvert qui a eu de la misère, justement. Tu sais, je trouve que c'est une mauvaise évaluation qui a été faite et ça va être une tâche qui va rester au dossier de Blizzard. Et ça, tu sais, pour les gens qui sont pas du culte Blizzard, ça va prendre du temps avant que ça s'efface. Ouais. Alors, on va continuer en musique après cette petite montée de lait qu'on a eu face à encore au jeu obligatoirement en ligne, et spécialement dans ce cas-ci Blizzard, avec une autre chanson de circonstance vu les temps. C'est une chanson que vous connaissez bien qui s'appelle Bonjour la police par le groupe Rock et Belles Oreilles. Vous entendez ça à CKIA FM 88.3 à Québec à l'émission Puissance Maximale. C'est cela, on est pas mal tanné de se faire écœurer. Ah oui, effectivement, on est victime d'un harcèlement. Ce n'est pas que l'on se plaigne de se faire traiter de manger de bain. De beurre, de porc, de gros chez ça. Au caractère un peu brutal, à la longue on s'y fait. Mais qu'au fond c'est un peu vrai, il y a quelque chose qu'on peut pas supporter. Je suis plus capable de l'endurer, c'est de se faire crier. Bonjour la police, bonjour la police. c'est que là, je suis en train de chanter. Bravo. Hein? Rex s'est fait écraser. Hein? Il est mort. Je suis Monsieur Fall et vous écoutez Puissance Maximale. Oh oui, Puissance Maximale de retour. Et on va parler, on continue avec Diablo 3. Maintenant, on va continuer avec des bugs. Des bugs, d'ailleurs, Andrew, qui n'était pas dans la version bêta, qui se retrouve dans la version finale du jeu. Ouais, ben, autre chose que le monde a beaucoup chialé, c'est que, dans le fond, la bêta nous permettait de jouer une première partie, dans le fond, de l'acte 1. Et je dirais, pour une bêta, c'était quand même bien. Il y avait des petits bugs physiques, c'est sûr, certains, comme n'importe quel bêta, mais il n'y avait pas de bugs majeurs. Tandis que Diablo 3... dans les 4 heures que j'ai pu jouer depuis le lancement, j'ai redémarré ma machine 4 fois. Parce que le jeu a littéralement planté, puis en plantant, il a fait planter toute ma machine au complet, là. Et quand je vous parle de ça, c'est que mon son, il est planté, donc j'entends genre de charmant « c'est merveilleux. Écran noir, clavier répond plus, puis rien sa machine, obligé de faire un reset. Ça, c'est, je considère ça un bug majeur. Là. T'es quand un jeu qui oblige de redémarrer la machine parce que tout a gelé dessus. Ça rentre dans le majeur. C'est un bug majeur. Et ça, on n'avait pas ça avec la bêta. Autre bug aussi, c'est que qu'est-ce qu'il y avait déjà dans Diablo 2 puis qu'ils ont approfondi un peu dans Diablo 3, c'est les compagnons. T'es quand on joue en solo, on peut croiser des personnages ou des mercenaires qu'on peut engager ou inviter à joindre notre party pour combler des fois le manque que le Witch Doctor, exemple, peut avoir en corps à corps, ben, il peut engager un paladin qui va venir l'aider. Et dans le premier segment de Diablo 3, on rencontre un paladin. Et c'est puis dans le fond, qu'est-ce qu'ils ont rajouté, c'est qu'on peut gérer l'inventaire de ce NPC-là. Donc, on peut y changer ses armes, on peut y donner des nouveaux boucliers, des choses comme ça, pour le rendre plus fort. Et si on changeait le bouclier, le jeu crachait et le compte Battle.net verrouillait. OK. On s'entend que c'est assez majeur. Ça, ouais. Effectivement. Puis on parle d'un bouclier qu'on change d'un inventaire à l'autre. Là. Exactement. Puis, tu sais, toutes ces petites affaires-là. Aussi, en même temps, j'ai remarqué qu'il y a un léger bug de son. Le son est pas égal. Mettons, on part le jeu. Le son, il va sonner hyper fort. D'autres fois, on va repartir le jeu. On n'entendra rien. Je vous dirais que c'est quand même très désagréable quand on joue avec du monde sur Skype. T'sais, je sais déjà, quand on parle avec Skype, lors d'un jeu, le son de l'ordinateur est baissé pour qu'on entende bien les conversations. Mais quand on est rendu qu'on n'entend rien du jeu, on est obligé de monter. Puis si on a quelqu'un qui parle moindrement fort sur Skype, on se défonce les tympans. Ou d'autres fois, on est obligé de monter le volume puis se défoncer les tympans avec le son du jeu parce qu'on n'entend pas le monde parler. Puis on n'a pas touché aux configurations de son puis que ça vient pas de Skype. Bref, c'est tannant. C'est tannant. Fait que à ce niveau-là, là, je dirais qu'il y a c'est une grosse affaire qui dérange au niveau de Diablo parce que c'était des choses qui étaient pas là lors de la bêta. Et là, pourquoi que là, la version release, la version qu'on achète, a ces bugs-là? Donc, tu sais, c'est quelque chose qui est très désagréable à ce niveau-là. Donc, je dirais que ça, c'est un autre échec de Blizzard. Et pourquoi s'être concentré sur des serveurs qui, dans le fond, n'ont rien changé? C'est pas juste des bugs plates, là. C'est dans le très, très, très, très chiant, là. On est obligé de redémarrer la machine, là. Puis ça peut même verrouiller notre compte, là. Non, on est au-delà des bugs qu'il y avait dans dans Skyrim, là, entre autres. Ouais, c'est ça, là, t'sais, ça fait pas juste faire un moment cocasse, parce que faut pas se le cacher, il y a des bugs dans Skyrim que ça fait rire, là, t'sais, quand il y a un personnage qui bloque dans une porte. Mais là, on parle vraiment qu'on redémarre l'ordinateur, on est obligé de se reloguer, puis on a perdu les items des fois qui ont tombé parce que ça arrive au moment où on tue un boss. C'est vraiment plate, là. T'sais, c'est vraiment quelque chose que très décevant pour bien des joueurs. Mais t'sais, avec tout ce cumulatif-là, justement, on parlait des fans de Blizzard, c'est à cause, t'sais, on peut se rappeler Sony qui a eu le PSN, là, dans le fond, qui a tombé, ils ont eu des excuses publiques, ils ont donné des cadeaux, c'est sûr. Tu sais, je fais une comparaison, là. C'est sûr que Blizzard n'a pas atteint le niveau là, que Sony avait. Ça fait juste quelques là. Jours, c'est ça. Puis Sony, il y a autre chose à leur tableau que le bug du PSN. Il y a d'autres problèmes depuis des exactement, depuis mais ils ont fait quand même une belle preuve. Tu sais, regardez, on admet nos erreurs, on va essayer de se faire pardonner. Puis ils avaient donné des choses. Et je dis pas que Blizzard doit faire pareil, mais Blizzard, aujourd'hui, a fait une sortie pour dire, écoutez, on a des problèmes avec les serveurs, on s'en excuse. Le communiqué de presse se lisait en trois lignes. Là. T'sais, on a fait un texte de 8 ans. Là. On se dit, on a des problèmes, on le sait, on s'excuse. Au moins, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Mais t'sais, chose étonnante, c'est à cause que quand les problèmes arrivaient, avant qu'ils fassent ce sortie-là, on arrivait sur les forums de Diablo et vraiment, tout le monde disait que Blizzard, c'était des ci, des ça. Il était pas correct, il volait le monde. Puis t'sais, c'était les pires pourritures de la planète. Et là, ils font juste, on s'excuse. Et là, tout le monde font, Blizzard, c'est les plus beaux, c'est les meilleurs, ils ont le meilleur service à la clientèle, on les aime. Je comprends pas. Ah, mais il y en a que ça leur prend pas grand-chose pour être heureux. Ben non, mais t'sais, Microsoft, je suis pas mal certain que ça serait un jeu des studios Microsoft Games qui aurait fait ça, puis ça serait pas passé de même, là. T'sais, c'est... Il y a comme un aspect culte. T'sais, comme je parlais avec, je vais le nommer parce qu'il m'a dit que je pouvais le nommer à la radio, Jimmy Fortin. T'sais, un de mes bons amis, auditeur de Puissance Maximale. Qui est déjà passé à l'émission, d'ailleurs. Exactement, on le salue, d'ailleurs. Quand j'ai rogné, quand après minuit, Battle.net m'avait sorti parce qu'il disait qu'il y avait un problème puis qu'il marchait plus, j'ai dit, ouais, méchant beau jeu de lancement, hein, on joue 4 heures puis on se fait kicker. Mais t'as pas chialé, t'as pu jouer 4 heures. J'ai dit, non, je m'en fous là, que j'avais joué 4 heures. Là. Si moi je voulais continuer à jouer 6 heures, là, il me l'empêche actuellement. Là, t'sais, puis c'est à cause d'un système, une mauvaise décision qu'on fait. Puis t'sais, c'est tout ce cumulatif-là qui fait en sorte que Blizzard ont mal joué. Et étonnamment, le monde, ils se mettent des œillères. Mais faut dire que Blizzard font des bons produits pour ce genre de joueurs-là. Puis ils ont jamais eu vraiment à se plaindre en tant que tel du jeu, de leur jeu. Là, ils font des jeux de qualité dans ce domaine-là, pour ceux qui aiment ça. Là, moi, c'est sûr que World of Warcraft, j'ai jamais vraiment accroché. Mais j'ai jamais vu un jeu de Blizzard sortir de même avec autant de bugs, autant de problèmes. Puis, tu sais, c'est même, à part les bugs majeurs de Diablo, le trois quarts, c'est même pas des bugs sur le produit, c'est des problèmes sur des décisions que la compagnie ont faites. Et c'est vraiment des décisions qui font en sorte que ça laisse une image qu'on a notre clientèle, on l'exploite, c'est pas grave, ils aiment ça. Ils vont revenir, peu importe ce qui va se passer. C'est ça, puis ils ont raison. C'est ça le pire. Ils font c'est juste... ça le problème, en fait. C'est ça. T'sais, moi, t'sais, j'en parle, même à mon travail, j'ai parlé de ça à du monde, et toute personne qui est fan de Blizzard, moindrement, qui ont déjà joué à WoW, ou qui sont des adeptes de StarCraft et de Diablo 1 depuis très longtemps, ont simplement fermé les yeux, puis en fait, non, Blizzard sont corrects, ils sont gentils, ils sont excusés, tout est correct. Non. Je m'excuse. Ils ont fait des... Tu sais, c'est mauvais. Mais c'est pour des réactions comme ça qu'on paye nos jeux de plus en plus cher, de moins en moins complets à la sortie, et qu'on se fait promettre des consoles de prochaine génération encore plus restrictives au niveau de l'exploitation qu'on peut en faire. C'est pour, parce que le monde se laisse faire comme ça, puis qu'ils vont payer des DLC, là, des contenus téléchargeables gros prix pour avoir la fin du jeu, qui ont déjà payé... ça devient exponentiel, puis les gens réagissent pas, donc on se retrouve justement avec des réactions comme ça. C'est pas la fin du monde, ça fait juste 2 jours que le jeu est sorti, ce sera peut-être pas un problème récurrent. On fait juste constater qu'il y a eu des problèmes majeurs à la sortie, puis qu'ils font des promesses à leurs joueurs, puis leur vendent, c'est juste ce qu'on dit, c'est pas la fin du monde. Mais quand on a des situations comme ça qui reviennent sur plusieurs plateformes, à chaque fois qu'il y a un jeu important qui sort, ben on peut se demander pourquoi on paye si cher? C'est ça, mais t'es, en tant que tel, comme je dis, je trouve ça inacceptable, en fait, bizarre, mais t'es, je dis pas non plus monter aux barricades, demander la tête du président de Blizzard, des choses comme ça. Mais t'es, la seule chose, c'est juste arrêter de se cacher et puis dire, Blizzard, ils ont rien fait. Blizzard ont fait des erreurs. Arrêtez de promettre aussi, Blizzard, arrêtez de promettre la lune à vos joueurs. Faites quelque chose que vous êtes capable de soutenir, que le monde va pouvoir jouer. C'est quelque ça, chose d'intéressant. Vous, les joueurs, mettez-vous pas juste des œillères puis dire non, ça s'est jamais passé. Ça, c'est la philosophie d'un oiseau. Se cacher puis pas voir, là, puis ça existe pas, là, c'est le même principe. Là. Mais c'est arrivé, puis faites juste le rappeler à Blizzard que vous le savez, vous restez quand même des bons consommateurs de Blizzard, mais que vous voulez pas que ce genre de situation-là se reproduise. C'est ça le message que vous devez communiquer, et c'est pas ça le message qui passe actuellement, c'est que c'est pas grave, Blizzard, on vous pardonne tout, parce que vous êtes les meilleurs de la planète. C'est ça qu'on leur dit, on leur tape quasiment dans le dos pour dire « Bravo, mon homme! Bravo, ton jeu torche, t'as fait des méchantes, des mauvaises décisions, mais c'est pas grave, on te pardonne. » On est là quand même pour te supporter. Mais bref, un jeu très très intéressant, un bon jeu, mais avec tout le contexte autour qui est un peu, en fait, beaucoup décevant, autant pour sa sortie, les problèmes, que ce qui en découle, là, et les obligations qu'on a de jouer en ligne, entre autres. Là. Merci beaucoup, Andrew Castegan. On va revenir pour la prochaine heure. On va parler un peu de Blizzard pendant la dernière heure de Puissance Maximale et d'autres nouvelles ludiques. Mais pour le moment, on part en musique. Après la musique, vous allez avoir une petite pause publicitaire. On vous revient tout de suite après à Puissance Maximale. Donc, on va écouter People Equal Shit de Slipknot. Vous attendez ça à Puissance Maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. People equal shit. êtes à l'écoute de Puissance Maximale avec Franck Pithiot, invité d'honneur de Géanime 2012. Et oui, de retour à Puissance Maximale après cette courte pause publicitaire et cette excellente chanson du groupe Slipknot, People Equal Shit. Et on revient avec Andrew Castegan pour la conclusion d'un peu de notre spécial Diablo. Et, mais on va parler du DRM, là, ce qu'on disait tantôt justement, cette manière là, d'identifier les jeux achetés de façon légale dans les magasins et sur les sites. On va continuer un peu avec ça, avec Andrew Castegan. Oui, ben c'est ça. Il reste encore un peu de lait dans la montée de lait. Fait qu'on on va conclure ça. En fait, c'est, voyez ça un peu comme le plaidoyer du vieux gamer. C'est s'il vous plaît, compagnie de jeux, arrêtez. Arrêtez d'essayer de trouver des nouvelles façons de protéger vos jeux, des nouvelles façons de d'exploiter l'internet et les écrans de login pour vérifier si les jeux achetés sont les vrais, parce qu'au final vous allez pénaliser le joueur honnête qui a acheté son jeu le plein prix au magasin. Parce que le joueur qui va vouloir l'acheter de façon illégale, le pirater, il va toujours trouver une version, il va toujours réussir. C'est ça, en fait, on fait juste penser à Ubisoft, une secousse qui avait commencé à mettre vraiment je me rappelle bien, c'était Securum, je pense, le DRM qu'il avait utilisé. Bref, un DRM vraiment agressif, faisant en sorte que si on installait le jeu plus qu'un certain nombre de fois ou des choses comme ça, on pouvait plus l'installer, il fallait appeler Ubisoft, des genres de choses comme ça. Puis à un moment donné, il y a vraiment un pirate qui a envoyé une lettre anonyme à Ubisoft et a dit: écoutez Ubisoft, ça sert à rien qu'est-ce que vous faites là, parce qu'on pirate vos jeux anyway. Puis finalement, c'est l'honnête joueur qui a acheté votre produit qui est pénalisé. Et depuis ce temps-là, oui, il y a une protection sur les jeux d'Ubisoft, mais beaucoup moins agressif. Donc, Ubisoft a compris ce message-là. Ça, c'est une réalité. C'est pas seulement de combattre les pirates, c'est aussi d'apprendre à cohabiter parce qu'ils vont toujours être là. On dit pas, ici, en l'émission, on n'encourage pas les gens à pirater leurs jeux. Au contraire, justement, on veut encourager les développeurs, autant les grosses compagnies qui travaillent quand même fort pour développer leurs bons jeux, et aussi les indépendants. Tu sais, il faut payer nos jeux, ça, c'est sûr et certain, mais faut pas se cacher qu'il va toujours avoir des pirates. On peut les combattre d'une certaine façon, mais quand on est trop agressif, comme ce qui se passe en ce moment, de plus en plus, quand il y a trop de contrôle, ben ça fait des choses comme le PSN, le piratage du PSN, pis ça vient pénaliser justement les bons joueurs. Donc il y a une façon d'agir qu'il va falloir qu'il y a un juste milieu qui se trouve là, pour les grosses compagnies. C'est ça, mais tout ça en même temps, c'est que les compagnies évaluent pas non plus les impacts collatéraux que ces méthodes-là font. Un exemple, EA ont sorti leur plateforme Origin. On se le cachera pas, EA ont dit « Oh, on sort cette plateforme-là pour compétitionner Steam. » Mais en fait, c'est le même principe un peu que Battle.net pour Blizzard. C'est un DRM. Dans le fond, ils vérifient si le jeu qu'on part est un jeu qui a été bel et bien acheté. Donc, un plus bel exemple où on remarque que Origin prend ce concept-là, c'est avec Battlefield 3. Parce que pour partir le jeu Battlefield 3, il faut télécharger une page web. Et ensuite, sur la page web, on a des boutons pour partir autant le single player que le multijoueur, chercher nos games. T'sais, l'interface est bien. J'en ai déjà parlé en faisant une critique ici. L'interface, ça va bien. Tout ça, mais ça reste que c'est une page web. Et si on n'a pas cette page-là, ben, la commande pour partir le jeu qui se rend à Origin marche pas. Fait qu'on peut pas partir le jeu si on passe pas par ce site-là qui dit à Origin, oui, c'est une licence légale, par le jeu. Et que ça soit, dans le fond, single player, multijoueur ou peu importe. Donc, tu sais, ça, c'est un autre principe. Mais encore, la chose la plus aberrante, c'est, on voit même ça avec certains jeux de Steam, c'est quand on achète le CD, avec le numéro de série, qu'on met ça dans l'ordinateur pour installer, mais au lieu d'installer le jeu qui est sur le CD, ils veulent le télécharger. Fait que des fois, les gens veulent l'acheter CD pour avoir le truc entre les mains, mais aussi pour, c'est con, mais économiser sur la bande passante, parce qu'au Québec, au Canada, ben, c'est pas illimité. Donc, on peut économiser, ben, c'est des gros jeux. Grâce à nos amis du CRTC, il n'y a pas de compétition au Canada, donc on n'a pas d'infrastructure fiable pour permettre les limiter. Qu'est-ce que tu veux? Mais, tu sais, c'est le genre de choses, tu sais, qui fait en sorte que, tu sais, oui, aux États-Unis, il n'y a pas de problème. Au Japon, il n'y a pas de problème. Mais des pays comme au Canada, c'est chiant, parce qu'on peut s'acheter un jeu, comme exemple Battlefield, qui télécharge sur Origin. Il vient avec deux disques, mais j'ai jamais été capable de partir l'installation avec les disques. Là. Ça a toujours téléchargé sur Origin. Et dans le fond, c'est plate quand t'achètes un jeu et tu finis que tu fais comme « Bon, OK, le jeu il prend 5 gigs, mais je peux pas l'installer sur mon site. Je vais péter mon quota puis je vais pas payer plus cher chez Vidéotron ou Bell à cause que j'ai défoncé. » C'est complètement illogique. T'as acheté en plus le jeu plein prix. Là. CD. En plus, les versions digitales coûtent pas moins cher que la version en boîte. Fait que tu sais, il y a pas vraiment d'avantage. À part la rapidité, si on est chez nous, on fait ça me tente d'avoir Battlefield 3 là. Ça peut être le seul avantage, mais ça va nous coucher de la bande passante, puis des fois, on peut même pas. Ben, c'est ça. Fait que tu sais, c'est vraiment quelque chose qui est désagréable. Et. T'sais, en même temps, c'est des pratiques qu'on voit de plus en plus courantes dans les grosses compagnies. T'sais, comme Blizzard, ça a été acheté par Activision. Ben, c'est rendu avec Activision. EA, c'est la grosse compagnie de jeux qui pond des titres à plus en finir. Et t'sais, il y a d'autres compagnies qui utilisent ces techniques-là, mais il existe des meilleures solutions. T'sais, pour aller sur une note plus positive, exemple, Rockstar, je trouve que c'est une... Ben, aussi Bethesda, d'ailleurs. Mais Rockstar, je trouve que c'est une des compagnies qui a une des plus belles façons d'exploiter ce DRM-là avec leur Rockstar Social Club. Là. Vous allez me dire, ben oui, mais là, tu plains que justement, faut pas se loguer sur des sites. Justement, les jeux Rockstar sont, on peut jouer en solo, on a accès à certains contenus du jeu si on se connecte pas au Social Club, mais si on veut jouer en ligne, faut se connecter pour qu'il y ait une vérification de licence. Et en plus de ça, ils vous donnent du stock pour votre campagne solo. Un gun que vous auriez pas normalement, ou une mission que vous auriez pas normalement, mais juste parce que vous vous êtes connecté pour dire « Oui, oui, le jeu que j'ai, il est vrai. » Je l'ai acheté à ma boutique préférée. C'est ça. Ils vous donnent du stock. Ça... C'est une belle façon d'encourager les joueurs. Ça, c'est une belle façon. C'est une bonne pratique. Il faudrait qu'il y ait de plus en plus de compagnies qui fassent ça. Ou encore, exemple, Ubisoft, ils ont baissé l'agressivité de leur DRM. Ils ont un bon ou un mauvais côté. Un bon côté, c'est que, oui, il y a de plus en plus de jeux qu'il faut qu'ils passent par Uplay, puis les interfaces Internet pour partir, fait qu'ils font un DRM. Mais, il y a un mode offline. Si on peut pas se connecter sur Internet, le jeu part, on a juste moins accès à des choses, puis on n'a pas accès à nos sauvegardes. Mais tu sais, Ubisoft, le genre de jeux qui font ça, c'est des jeux de stratégie. Généralement, le monde, ils veulent se connecter pour faire un skirmish, faire un escarmouche rapide, puis ils s'en foutent de pas avoir leur histoire ou avoir les 42 000 succès qui ont débarré. Ils veulent juste faire une game rapide. Ce qu'on peut pas faire, entre autres, avec Diablo. C'est ça, et qu'on peut pas faire avec bien d'autres jeux que d'autres compagnies font parce que ça prend Internet. Mais tu sais, ça, c'est une autre façon. C'est un petit peu plus agressif, un peu que Rockstar, mais c'est une autre façon qui est moins pénalisante pour le joueur. Donc, tu sais, il va falloir que les compagnies se rendent en tête que oui, il faut protéger leurs biens, des choses comme ça. Mais sachez une chose, et GOA, le plus grand pirate au niveau du matériel, autant iPhone que PlayStation l'a dit, peu importe qu'est-ce qu'on fait, il y a toujours une faille. Le programme parfait qui peut pas être piraté, ça existe pas. Et c'est une idéologie que personne va être capable de se rendre là parce à que tous les niveaux, que ce soit pour le matériel au cinéma, DVD, Blu-ray, on dit tout à copy protected. Non, il y a tout à une façon. Autant pour les jeux vidéo, c'est. Mais en fait, c'est pas compliqué. Réfléchissez comme ça. Vous qui programmez des jeux, si vous nous écoutez, ça vous prend une porte pour aller jouer dans votre code, pour aller jouer dans votre jeu, pour faire des mises à jour. Et si vous briquez cette porte-là pour vous empêcher de rentrer, ben pour pas que les pirates rentrent, mais vous pourrez plus non plus exploiter votre jeu. Fait que tant aussi longtemps que vous serez pas capable de faire de la programmation parfaite qui fait en sorte que vous êtes capable de tout faire sans avoir à vous créer une porte d'entrée dans vos produits. Ça, vous n'ayez plus jamais besoin de faire de mise à jour et de... Exactement. Mais il va toujours avoir cette petite porte-là dans le coin noir qui fait en sorte qu'à un moment donné, un pirate va reprendre sa flashlight puis va la trouver. Fait que tu sais, c'est... C'est une belle image, Andrew. Oui, je sais. Félicitations. Merci. Mais tu sais, c'est... Ayez ça en tête et ça sert à rien que vous mettiez des barbelés puis des chars d'assaut puis des missiles parce que dans le fond, ça va juste être l'honnête joueur qui va y copier. Voilà. Donc, tu sais, c'est le message que je voulais communiquer à ces compagnies. J'offre encore mes services de consultant. Vous voyez. Toute équipe de Puissance Maximale est prête à travailler pour vous, chères compagnies de jeux. Vous allez au www.puissancemaximale. Venez nous parler. On est très gentils. Exactement. Et le mot de la fin sur ma chronique de Diablo, c'est bizarre. Vous auriez pu sortir le jeu à la fin du monde. Ouais, Andrew. En décembre, meilleur coup marketing, ça vous aurait laissé le petit nombre de mois de tampon pour finaliser votre jeu et peut-être même réfléchir à votre technique de DRM pour que ça soit moins saoulant pour le joueur. Je maintiens, vous auriez dû prendre mon idée, je l'avais suggéré à plusieurs reprises, j'avais fait des paris là-dessus, j'ai perdu mon pari, mais Dieu sait que ça aurait peut-être été mieux comme lancement si vous m'auriez écouté. Donc, Jean de Blizzard, soyez avertis, Andrew le savait ce qu'il fallait faire. Donc, merci beaucoup, Andrew, pour cette longue, longue chronique, ce spécial Diablo 3, autant sur le jeu que sur tout ce qui s'est passé autour dans les derniers jours. Merci beaucoup, Andrew. Ça fait plaisir. Et on continue en musique après ce long spécial Diablo 3 avec une chanson du Tolkien Ensemble, donc l'ensemble Tolkien, qui font des chansons à partir du mythe du Seigneur des Anneaux et aussi de chansons qui sont dans l'histoire directement. Et on va entendre A Drinking Song, donc avec l'ensemble Tolkien. Vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM à Québec. To the bottle I go to heal my heart and drown my woe. I go to heal my heart and drown my woe. Rain may fall and wind may blow, and many miles be still to go. Oh, oh. Jaune aussi, écoute, puissance maximale. Oh oui, de retour à puissance maximale. Et maintenant, on y va avec d'autres actualités ludiques. Il va parler d'autres jeux. Donc, on va commencer tout de suite avec une... On continue avec, finalement, les plateformes de téléchargement avec Steam, qui s'en vient avec un programme de téléchargement à distance. Et oui, mesdames et messieurs, après un peu de bêta, ils vont lancer pour de bon leur service de téléchargement à distance. Donc, c'est pas compliqué. Vous êtes chez vous, vous êtes chez un ami, puis là, vous vous rappelez, ah, mon Dieu, c'est vrai, mon ami va parler de Left 4 Dead 2. Ah, ça me tente de jouer rapidement. Je vais arriver chez nous, puis je veux jouer. Mais vous allez pouvoir, à distance, commencer le téléchargement sur votre machine. Veux-tu savoir d'où vient cette idée-là? De toi? Exactement, non. En fait, ça vient des téléphones intelligents, mon ami. Excellent, on aime ça. En fait, c'est que tout ce qui est Apple Store et Google Store, quand on se log dessus sur le site même, on peut partir le téléchargement à distance sur notre téléphone et tablette. Et voilà. Donc, on dit dans la nouvelle justement qu'on peut, là, on va pouvoir l'utiliser sur interface web, mais aussi sur mobile. Donc, cette application sur votre cellulaire. Oui, monsieur, je veux jouer à Left 4 Dead 2 en arrivant à la maison. Votre machine est ouverte et voilà, on part ça et on arrive à la maison presque prêt à jouer. Ça, je trouve que c'est vraiment une innovation. Une belle innovation. Que les tablettes et les téléphones intelligents nous emmènent autant dans le monde du gaming. que sur PC. Ben le côté mobile techno là qu'on a depuis quelques années justement à cause des téléphones puis des tablettes là, moi je trouve ça génial. On est connecté, en tout cas pour les gens qui aiment ça, il y a des gens qui ont même pas de cellulaire parce qu'ils veulent pas justement être connectés tout le temps, mais pour les gens qui sont des maniaques, qui sont des crinqués, geeks ou seulement connectivité ou technologie, ben c'est moi j'adore ça. Moi depuis que j'ai mon téléphone intelligent là, j'ai déjà pensé à m'acheter un portable justement pour le côté internet un peu partout, mais avec ça, j'ai tout ce que j'ai besoin quand je suis hors de la maison. Puis même les tablettes, ça devient de plus en plus intéressant. Même dans l'univers ludique, les tablettes commencent à se faire leur place. Oui, il y a de plus en plus de bons jeux, de jeux intéressants. Mais pas juste ça. Même dans les jeux de rôle, de plus en plus d'applications et d'utilisations que le monde trouve à ces tablettes-là pour les aider. Pour les gens intéressés, allez voir sur le App Store puis sur le Play Store maintenant, l'ancien Android Market. Ben, vous pouvez aller chercher justement les applications. Nous, on joue à Pathfinder, moi puis Andrew, là, dans une partie tous les mercredis soirs. Et il y a effectivement des applications vraiment intéressantes, les Spellbooks. Pour avoir des trucs pour lancer des dés, puis même pour lui il y a des nouveaux qu'on appelle des paquets de cartes là, avec des effets, avec des items. Mais vous pouvez aller télécharger ça pour moins cher que le paquet de cartes que vous allez trouver en magasin dans votre boutique de jeux de rôle. Donc ça vient agrémenter finalement le côté jeu de rôle sur table en plus. Donc félicitations à Steam pour leur belle innovation. Autre nouvelle, cette fois on parle d'un procès avec Activision. Mais oui, on en avait parlé un petit peu qu'Activision était en froid avec d'anciens membres d'Infinity Ward qui étaient des créateurs de Call of Duty, au point qu'il y a des procès qui sont en cours présentement par rapport à des droits qui n'auraient pas été payés aux anciens des anciens créateurs d'Infinity Ward. Mais il y a un léger revirement qui était amené justement. Les membres du studio auraient reçu finalement des versements d'Activision récemment, des sommes qui seraient finalement des royautés qui n'auraient pas été payées, mais les gens disent déjà que c'est des sommes dérisoires. Moi, on parle en tout cas 42 millions de dollars. Moi personnellement, je trouve que c'est pas si dérisoire, mais par rapport à leur travail, au succès de leur travail, j'avoue que ça peut être un peu plate pour eux. Ben vous savez, c'est Infinity Ward, les veut pas, je peux leur donner mon adresse, hein. Moi je le prendrai volontiers, le oui. 42 millions. Puissancemaximale.com, on le rappelle, pour faire des dons à leurs deux animateurs. On est prêts, on les accepte, et nous, c'est pas si mal, on n'est pas comme... On vous le jure, il y a une bonne partie qui va être réinvestie dans des jeux. Oui, une grosse majorité même. Donc voilà, et on vous rappelle qu'Activision est toujours en cours avec d'autres personnes, entre autres... contre EA, donc Electronic Arts. Ils ont des démêlés aussi en justice avec EA. Donc, de l'argent qui sort finalement pour les gens qui ont commencé ces attaques-là auprès d'Activision. On va voir ce que ça va donner pour les deux autres, puis même les gens de toute façon qui ont reçu 42 millions, on trouve que c'est pas assez. Bref, je crois que c'est une histoire qui va continuer. Autre nouvelle rapide, on sait que Final Fantasy VII, qui est quand même un des plus, sinon le plus populaire de la série des Final Fantasy, depuis des années, il y a des fans qui réclament un remake carrément, là, un remake complet du jeu au niveau graphique, parce qu'on se rappelle que ça avait été rushé en fait. C'est à cause que Sony voulait que ça soit un des jeux forts de la PlayStation. Puis théoriquement, il y aurait eu le même engin graphique que Final Fantasy VIII, mais ils n'ont pas eu le temps de le finir. Donc ça a donné ce que ça a donné. Des jeux 3D les plus laids. Oui, mais un excellent jeu de rôle. Et là, ça fait longtemps. Puis là, avec le HD, ben là, on s'attend au moins à un remake HD. Donc avec quelque chose de très laid, mais pas HD sur une TV HD, ben imaginez ce que ça donne. Mais d'après ce qu'on a pu lire récemment sur Internet, ben Square Enix n'est pas vraiment décidé de développer un remake HD. Puis de toute façon, ils n'ont jamais été très forts sur les remakes de leurs jeux. Ça, on le sait. Ils ont quasiment tout refait Final 1, 2, 3, 4, 5 sur les consoles. T'sais, ils ont fait des remixes. Version PlayStation, ils n'ont pas tout refait. Ils ont rajouté quelques cinématiques, mais le jeu reste pareil. Mais là, les gens veulent vraiment refaire le jeu parce qu'un beau look rétro, on va jouer à Final 6, on va jouer à Final 4 sans problème. Là, c'est rétro, c'est du 8-bit, c'est du 16-bit. On n'a pas de problème avec ça. Mais on dirait que le côté 3D vraiment crappy du Final 7, ça aide pas. Le 3 puis le 4, Final Fantasy 3 et 4 sur le DS, ils ont fait un engin pour le faire. Pourquoi pas Final 7? Parce qu'ils sont têteux. Vous savez, Square Enix... on est prêt à vous donner notre avis. Vous devriez écouter plus vos joueurs. Mais en fait, la plupart des compagnies seraient bon à écouter leurs joueurs. Ah, mais j'ai une suggestion, moi, dans le fond. Faire ce Kickstarter, et voilà. Et voilà, Kickstarter. Pour avoir le remake de Final 7, ils vont demander un léger 20 millions. Ben, moi, pour 15 piastres, j'embarque. Il y a des... Si on fait juste penser à Shadowrun, ils demandaient 400 000, puis on finit dans... Dans le 2 millions, je pense. Le million, 2 millions, 3 millions. Bref, beaucoup de millions. 1.8 pour Shadowrun. Puis il y avait un jeu qu'on a regardé tantôt. Le Double Fine Adventure, créateur de Psychonauts, qui ont fini à 3 millions, puis alors qu'ils demandaient 400 000. Donc, je sens que les joueurs trouvent ça intéressant de pouvoir participer activement vraiment au développement d'un jeu. Mais pour revenir à la nouvelle de Final 7, c'est ça. Le character designer de Final 7 expliquait clairement que c'était pas le moment et que là, pour la compagnie voulait vraiment se consacrer à développer de nouveaux jeux. En tout cas, bref, c'est pas pour tout de suite que les gens vont pouvoir avoir accès à une nouvelle version HD de Final 7. Continuez donc à jouer à votre version PlayStation 1, mesdames et messieurs, encore un petit bout, parce que c'est pas prêt d'arriver sur les tablettes. Mais d'ailleurs, Mike, sais-tu qu'est-ce qu'on verra pas sur nos tablettes d'ici un petit bout aussi? Non. Tomb Raider, qui est un jeu aussi qui est retardé, là, parce qu'on avait vu des images au E3 l'année passée qui avaient l'air vraiment intéressantes, mais là, on apprend que ça va être retardé à quand, tu m'avais dit? En 2013, en fait, le reboot là, de Tomb Raider, un jeu qui était très attendu, qui avait pris un peu une allure de Uncharted. C'est un peu l'esprit de Tomb Raider à la base. C'est ça, en fait, Uncharted, la source d'inspiration majeure, c'est Tomb Raider. On se cachera pas. Naughty Dog s'en cachait pas, je pense. Non, on s'en cachait pas. Il disait en fait que c'était un peu un hommage au vieux Tomb Raider. Mais bref, tout ça pour dire que ça est retardé. On verra pas la binette de Tomb Raider de Lara Croft avant 2013. Ils ont juste dit retardé en 2013. Espérons que ça soit janvier. Oui, plus rapide en 2013. Il faisait fin d'année 2012. Fait que ça m'étonnerait que ça soit début d'année 2013 s'ils ont décidé de dire que ça allait être retardé. Puis d'après la nouvelle, ils n'ont pas été spécifiques, mais d'après l'annonce qui a été faite, ça va être plus que juste un mois, là. Bon, soyez déçus, fans de Tomb Raider, ça se reviendra pas tout de suite. Et c'était Square Enix, en plus, qui le faisait, fait que... Bon, on va espérer que ça va s'en venir quand même rapidement pour les fans. Moi, j'étais intrigué, j'avais hâte de voir ça. J'étais pas un gros fan de Tomb Raider à l'époque, mais j'ai hâte de voir parce que je trouvais que c'était vraiment intéressant ce qu'ils avaient montré au E3 l'année dernière. Autre nouvelle, grand succès pour Minecraft 360. Et oui! Hurrah! En moins d'une semaine, sur la Xbox Live Arcade, les ventes de jeux de construction de Mojang a dépassé déjà le million. Donc, en plus, on sait que... Je sais pas si le patch est sorti pour la Kinect, je m'en rappelle plus. Pour Minecraft. Je pense pas qu'il est encore sorti, mais ça devrait pas tarder. Dans tous les tests que j'ai vus de la version Xbox 360, il semblait pas dire que la Kinect était encore compatible. OK. D'autres chiffres par rapport à ces ventes-là, question de... rentrer dans la démesure encore une fois et dans les chiffres, ça devient exponentiel. Si on réunit, il y aurait 5,2 millions d'heures jouées en ligne depuis le début, donc ça fait pas longtemps. 4 millions de sessions multijoueurs et 2,4 millions d'heures de jeux en multi en 6 petits jours. Donc, félicitations, écoute, à Mojang pour leur belle version. Mais il y a un problème, par exemple, une autre nouvelle qu'on vient greffer à ça, un problème multijoueur, parce qu'on peut... une nouveauté, une exclusivité sur 360, on peut jouer en split screen, donc en écran séparé sur notre télévision, en multijoueur, puis même, je pense qu'on peut avoir une image de notre bonhomme en troisième personne, puis à droite, disons, notre première personne, donc pendant qu'on construit, on voit quand même l'environnement autour de nous, puis on peut voir en première personne pour construire, et on a du multijoueur, bien évidemment, mais le problème, c'est que les gens qui n'ont pas de télé HD, il y en a encore, ça, il faut pas l'oublier, ils ne peuvent pas utiliser cette fonction-là de split screen, c'est techniquement impossible selon Microsoft. Il y a des gens qui le savaient pas, demandent des remboursements et Microsoft, bien évidemment, refuse parce qu'ils leur disent, votre jeu, il marche quand même. C'est pas parce que vous pouvez pas jouer en multiplayer que votre jeu ne fonctionne pas. La licence est bonne. Non, on ne vous rembourse rien. Un peu plate, je trouve. Moi, la question que je me demande, qu'est-ce qui justifie que ce jeu-là en particulier en split screen marche pas si la TV est pas HD? C'est une méchante bonne question. Dans la nouvelle, on spécifiait pas. Je comprends pas non plus pourquoi, qu'est-ce qui fait ça. Mais je pense que ça sonne que... Je veux juste dire quelque chose comme ça. Cameo, qui était un des premiers jeux de la Xbox 360, tu pouvais jouer en split screen sur une TV pas HD. Je sais, je l'ai fait. Donc, il faudrait poser la question à Microsoft. Mais bref, des gens qui sont pas contents. Et en fait, on parle même de remboursement partiel pour certaines personnes, mais rien de complet. Donc, un petit anicroche là, pour les gens qui voulaient jouer en multi chez eux. Si vous n'avez pas TV HD, oubliez ça. Mais petite parenthèse comme ça à propos de Minecraft, justement. Le Minecraft Xbox 360 a été vraiment très bien coté. Beaucoup de monde, en fait, ont quitté la version PC pour migrer vers la version Xbox 360. Il paraît que l'image est malade. Là. Côté HD, là, il paraît que c'est une belle image. Oui, ben, il y a ça, mais aussi en même temps, ils ont mis un tutoriel. De 1. Et, tu sais, ils ont fait un peu comme si le jeu était en réalité augmenté. Tu sais, quand on se promène, il y a des petits pop-up qui apparaissent une fois de temps en temps pour nous dire ah, ça, tu peux faire ça avec ça, et ça, tu peux faire ça avec ça. Et il y a beaucoup de monde qui ont apprécié ce type d'interface-là. Et, c'est non officiel. J'ai lu ça sur des forums, mais paraîtrait que la prochaine grosse mise à jour là, de Minecraft sur PC va aller chercher des éléments graphiques et. D'interface que dans le fond que la Xbox ont mis de l'avant. Donc tu sais, c'est quand même très intéressant, je trouve ça. Les joueurs PC vont pouvoir en profiter aussi. Ben c'est ça, mais par exemple, inquiétez-vous pas, le crafting va rester en place sur PC comme il l'est actuellement. Ça sera pas l'interface pas recette que la Xbox 360 a, parce qu'il faut savoir dans la 360, il n'y a pas le fameux quadrillé de 9 cases pour créer des affaires. C'est vraiment. On appuie sur le bouton, puis des thèmes se fait. OK. Moi, le fun un petit peu. Un petit peu. Donc, on continue en musique tout de suite après. On revient évidemment en nouvelle ludique tout de suite après. On y va avec une autre chanson intéressante, une autre chanson engagée de Monsieur Boris Vian. Vous allez entendre Le Déserteur ici à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Comme la pluie qui s'abat tout au fond de mon être, et le tonnerre qui gronde comme au temps des ancêtres, comme le feu qui rougeoie jusqu'aux confins du ciel, la furie de ce monde paraît éternelle. Je sens la violence et je vois le chaos, j'entends la délinquance hurler bien haut, je ressens la douleur comme je vois la torture, j'ai goûté ton malheur, j'ai touché tes blessures. Et car Je suis Madame Folle et à tous mes voyages à Rouyn-Noranda, j'écoute Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale, et vous avez bien remarqué que c'était Boris Vian. Non, pas du tout. Je me suis trompé dans ma liste, je m'excuse. C'était plutôt Banlieue Rouge sous un ciel écarlate, un classique du rock metal québécois des années 90. Et on continue, vous allez entendre Boris tout de suite après les prochaines nouvelles. Bien évidemment, on ne vous privera pas de cet excellent Boris. On continue avec une autre nouvelle. Stan Lee, qui va être dans le prochain jeu, qui va être The Amazing Spider-Man, jeu qui va être fait par Binox, donc compagnie de Québec. Et oui, M. Lee aura un personnage dans ce jeu-là, sauf qu'il va falloir le précommander, le jeu, pour pouvoir avoir accès à M. Lee dans le jeu. Donc, aux États-Unis, il va être donné en réservation faite sur le site Amazon.com. Et je pense que pour le Canada, ça va être GameStop. Il faudra vérifier à ce niveau-là. Mais ceux qui veulent avoir le papa de Spider-Man dans leur jeu, ils devront aller chercher, le précommander pour pouvoir avoir accès à ce personnage-là. Puis aussi, en précommande, vous allez avoir accès à d'autres bonus pour ce jeu-là. Petite nouvelle sur Spider-Man. Et en continuant avec des super-héros, les Avengers vont avoir un jeu. Ubisoft a confirmé ça. C'est eux qui vont s'occuper d'amener cette nouvelle franchise de Marvel sur nos consoles. On nous parle pour le moment de 360 avec Kinect et de Wii U. Ça va être un jeu finalement basé sur le motion control. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Ça va être peut-être un peu moins intéressant. En tout cas, c'est pas moins intéressant, mais quand même moins éclaté un peu. Parce qu'on se rappelle que la plupart des jeux en motion control comme ça sont souvent on rail, comme on dit, donc sur des rails. Ben, moi je rajouterais quelque chose. Vas-y. C'est aussi un jeu de film. Ouais, c'est ça. Habituellement, les jeux de films, il faut pas s'attendre à grand-chose. Faites le mélange des deux. Mais il faut dire que on parlait de Spider-Man il y a deux secondes. Le Binox a fait des bons jeux de Spider-Man. Oui. Ils vont faire un jeu de film. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Non, mais c'est ça. Mais Binox va rester dans le terrain connu. T'sais, ils ont fait deux jeux de Spider-Man. On parle d'un jeu de film. Puis, tu sais, ils ont... Le Binox ont déjà montré un peu qu'est-ce qu'ils allaient faire. Puis, tu sais, ils ont déjà une plus grande ouverture un peu que qu'est-ce que le film montre. Mais t'es The Avengers, Ubisoft. Déjà au départ, Ubisoft n'ont pas une très bonne réputation sur les jeux de films. Ouais, on verra bien. Là, pour va voir. Ouais. Les personnages qui vont être utilisés dans le jeu-là, ça va être Iron Man, Hulk, Captain America et Thor. Donc Thor, Captain America, Hulk et Iron Man, pour ceux qui n'avaient pas compris mon anglais. Donc ils vont pouvoir être contrôlés. On se demande si c'est un jeu un peu à la... Marvel Ultimate Alliance là, qui était quand même un jeu intéressant, mais on verra bien là. Ça veut juste que ça va jouer, j'ai hâte de voir comment qu'on va jouer dans ce genre là avec un motion control. Et on dit aussi qu'il n'y avait pas d'annonce non plus PS3. Andrew, est-ce que tu avais une autre nouvelle pour nous? Oui, ben en fait vous savez, on parlait des tablettes, on parlait des téléphones intelligents. Une nouvelle qui a été sortie de la part de Google à propos de Android 5. Vous savez, Google ont sorti Android 4.0 comme étant le système d'exploitation qui allait unifier tous les téléphones Android sur le même niveau pour avoir une compétition plus féroce et plus stable versus le iOS, qu'on se cachera pas que c'est uniquement ces produits Apple, fait qu'Apple ont une petite longueur d'avance sur la conformité des versions sur leur téléphone. Et on se le cachera pas, la mise à jour vers 4.0 traîne. Je fais ici un message vers HTC. S'il vous plaît, HTC, mettez vos téléphones à jour. Il serait temps, ce serait dû depuis le printemps. Et on arrive à l'été. Fait que là, ça serait temps. Mais tout ça pour dire que les compagnies traînent, les mises à jour tardent. Et dans le fond, Google ont dit, bon, si les compagnies, les sous-fabricants qui prennent notre système sont pas assez vite, nous autres, on va tout simplement élargir notre gamme de téléphones Nexus. Parce qu'il faut savoir, les Google Phones, c'est la série Nexus. C'est quand vous avez vu le Nexus One, j'ai un blanc sur le deuxième, puis le Galaxy Nexus, le Nexus S. Voilà. Donc, tu sais, quand vous avez eu ces trois téléphones-là, c'était des téléphones, dans le fond, utilisés pour du développement pour Google. Donc, dans le fond, c'est Google élaborait leur mise à jour en fonction de ces téléphones-là. Donc, Google a dit, quand Android 5 va sortir, nous n'allons pas sortir un Nexus, mais 5 Nexus. Et les fabricants qui seraient, dans le fond... Développeurs de ces téléphones-là. Seraient Samsung, qui ont un très bon partenariat avec Google depuis un bon moment. Ils font des bons téléphones. Des bons téléphones, exactement. Et Motorola, qui est une des compagnies qui a été récemment achetée par Google. Ça serait bien maudit qu'ils les utilisent pas. Exactement. Et Motorola, ça, faut savoir qu'à part qu'ils ont mal vécu la transition vers les téléphones intelligents, ils faisaient des très bons téléphones. Donc, tu sais, c'est quand même très intéressant. C'est à surveiller. Faut prendre ça avec un petit grain de sel parce que il n'y a pas eu de conférence de presse de la part de Google pour présenter de quoi de tangible. C'est encore en projet. Mais si Google fait ça, ça va être très intéressant parce que là, on va se dire qu'il n'y aura pas juste un téléphone sur le marché qui va être mis à jour. On va en parler de 5. Ça va offrir une plus grande variété. Puis, sérieusement, les téléphones Nexus, la série Nexus, c'est des références. Si vous voulez vous acheter un téléphone qui va être certain d'avoir toutes les mises à jour et de bonne qualité, la série Nexus, vous vous trompez pas. Et ouais, merci Andrew. Et autre nouvelle, on parlait tantôt de jeux en ligne, mais on y revient avec EA qui sera en train de fermer des serveurs gratuits de Battlefield 3 pour se diriger vers quelque chose de plus payant. Un service premium un peu à la Call of Duty Elite. Donc, on sait déjà qu'ils ont fermé des serveurs sur PS3 et 360. Et là, on nous présente une option qui sera à 30$ par mois pour peut-être avoir quelque chose de plus performant, de plus stable. Écoutez, j'espère que ce ne sera pas une totale migration. Un jeu, moi, j'ai rien contre les services premium. Écoutez, vous voulez avoir quelque chose de plus dans votre jeu, vous veuillez payer plus cher, mais les gens qui ont déjà acheté le jeu, qui s'attendaient avec du gratuit, j'espère qu'ils vont avoir... ils vont rester supportés avec des serveurs gratuits, là, je l'espère. Donc, pour le moment, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de détails à ce niveau-là. Mais il faut prévoir que peut-être qu'il va y avoir une migration totale, peut-être, du côté de EA, vers des serveurs payants pour le jeu Battlefield 3. Autre nouvelle, eh bien, on revient à Blizzard. Mais ça, c'est un bon coup de Blizzard, par exemple. Il y en a des bons coups. Et entre autres, Diablo 3, le jeu en tant que tel, est un très bon coup. C'est un bon jeu, on l'a dit tantôt. Mais là, un problème qui est survenu en Australie. Il y a la chaîne de magasins Game. La franchise Game qui est connu en Angleterre, au Royaume-Uni, qui a presque fait faillite récemment, qui a été racheté in extremis là, en Angleterre. Et ils ont aussi des magasins en Australie. Mais en Australie, ça va beaucoup plus mal pour Game, même qu'ils sont présentement in administration. Donc, presque sur le bord de la faillite. Ils ont plus de liquidité. Et là, dans leur magasin, ils s'en sont rendu compte qu'ils avaient pas assez de jeux Diablo 3 pour répondre à leur précommande. Donc, les gens sont arrivés, pas de jeux, donc ils veulent être remboursés, mais les magasins ont même pas de liquidité pour rembourser les joueurs. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On peut pas rien faire. Mais Blizzard a décidé qu'ils allaient, avec une preuve d'achat des magasins Game, qu'ils allaient rembourser eux-mêmes les joueurs qui ont été pas floués, mais qui ont pas pu recevoir leur copie. Écoutez, moi, je ne peux que dire bravo. Moi, je me dirais en même temps, Blizzard pourrait offrir deux possibilités. Oui, rembourser le joueur, mais peut-être aussi en même temps, y offrir la possibilité de convertir son achat en copie digitale. Pourquoi pas? Mais remarquez que peut-être que ça va être possible. Oui! Effectivement, je vois j'avais pas fini de lire ma nouvelle, je suis désolé, mais effectivement, remboursement ou justement d'avoir avec le reçu, d'avoir possibilité d'acheter la version digitale. Donc écoutez, moi je trouve ça vraiment intéressant. T'sais, Blizzard va s'arranger peut-être avec Game justement en Australie pour régler le problème entre eux. Mais c'est pas les joueurs qui sont perdants à ce niveau-là. Chapeau Blizzard pour le bon coup. Ça va vous attirer, c'est sûr et certain, des joueurs en Australie. Est-ce que tu avais une autre nouvelle, mon cher Andrew? Une petite nouvelle. La semaine passée, vous vous rappelez, je vous avais parlé du MMO Terra. Oui. Juste pour vous avertir, si c'était un jeu qui vous intéressait, c'est vraiment le moment d'embarquer dans les prochaines semaines parce que la compagnie a annoncé le début des mises à jour de l'évolution du monde de Terra. La première est sortie en fin de semaine. Donc, ils commencent déjà maintenant qu'ils ont atteint un pool de joueurs assez élevé mondialement, ils commencent vraiment à considérer là, les impacts que les joueurs vont avoir sur l'évolution du monde. Fait que si vous voulez vraiment participer au début de la dégradation de l'amélioration de ce monde de Terra, c'est vraiment le moment. Sinon, si vous attendez trop longtemps, le jeu va être aussi intéressant, mais vous allez arriver un peu dans... quelque chose de déjà fait. Et vous n'aurez pas vu le début de comment que le monde a parti pour se rendre où est-ce qu'il est là. Puis comme je vous ai déjà parlé, je ne ferai pas une critique au complet. C'est vraiment un MMO très intéressant si vous voulez faire changement du cliché Star Wars The Old Republic ou encore World of Warcraft. Qui sont de moins en moins populaires de toute façon. Le même, ça, on a vu Star Wars qui ont perdu des abonnés la semaine dernière. C'est ça. Donc, ça amène un bon petit vent de nouveau. Puis en même temps, ça vous permet de tester un autre type de MMO. Je vous le recommande très fortement. Donc, on va continuer en musique avec le vrai Boris Vian, cette fois-ci, avec la chanson Le Déserteur. Vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je mentirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. This is Duke Nukem, and you're listening to Puissance Maximale. Shake it, baby. Et oui, de retour à Puissance Maximale pour quelques dernières nouvelles avant la fin de ce spécial deux heures, ce premier spécial 2 heures du mois de mai. Et on y va avec une nouvelle. Et on va parler de la convention Con Bravo en Ontario, qui a deux gros invités, dont un qui est annoncé hier. J'étais assez flabbergasté, comme on dit. Et Con Bravo va recevoir Monsieur James Rolfe. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce nom, ben c'est le monsieur qu'on connaît sous le nom de Angry Video Game Nerd qui va être présent lors de la convention qui se passe à la fin juillet. Donc pour les amateurs là, ben c'est en fait c'est pour le genre de convention, c'est une convention généraliste. Donc on peut se pointer là en animé, en sci-fi, en bref, ce que vous voulez. C'est pas spécialement là pour aller faire de la mascarade, c'est vous pouvez arriver là en costume, c'est relax, il va y avoir du jeu vidéo, une salle marchande intéressante, il va y avoir des invités. C'est principalement ça. Ça va se passer du 27 au 29 juillet à Burlington, en Ontario. Et il va y avoir aussi un autre invité qui est le Nostalgia Gamer. Non, Critique. Critique, excusez. Nostalgia Critique qui est un peu, genre, pendant qu'il a été longtemps sur Internet, un peu le rival de AVGN. Parce que, en fait, chose qu'il faut savoir, c'est AVGN, oui, il parle de jeux vidéo, mais James Rolfe, le gars en tant que tel, c'est un fan de cinéma, il a fait des études là-dedans, c'est un cinéaste. Et Nostalgia Critique est comme à peu près la même affaire, sauf que t'es autant que James Rolfe a mis plus l'accent sur les jeux, lui a mis plus l'accent sur les films, mais il fait des jeux aussi, comme James fait aussi des films. Fait que pendant très longtemps, il y a eu des petites garde, ah non, Nostalgia Critique est meilleur, IVGN c'est un copieur, tout ça. Puis ils ont fait beaucoup de fan service avec ça, des genres de team meeting à des magasins pour faire une compétition, une fausse bataille, tout ça. Fait que ça risque d'être très intéressant à Code Bravo. Et c'est pas cher, en plus c'est 25$ sur place pour toutes ces journées là il va y avoir aussi un live action Mario Party que j'ai vu en activité. J'ai hâte de voir. Écoute, j'ai quasiment envie de monter à Burlington. C'est un petit rail, mais maud, on en reparlera, Andrew, hors d'onde. En kiosso, c'est économique. En kiosso, ouais, effectivement, on y pensera. Donc, Con Bravo à Burlington, 27 au 29 juillet, Monsieur James Rolfe, qui est le Angry Video Game Nerd, est aussi connu comme le tenant, celui qui tient le site cinemassacre.com, très bon site d'ailleurs, et il va avoir aussi le Nostalgia Critique qui va être sur place. Ça vaut la peine, ça vaut le déplacement pour les gens qui sont fan de convention et de ses deux invités. Et dernière petite nouvelle, je pense que tu avais pour nous, Andrew. Oui, en fait, c'est un suivi sur une nouvelle qu'on avait parlé la semaine passée. On vous avait parlé que une compagnie britannique, j'oublie toujours le nom, avait racheté les droits pour Carmageddon Reincarnation. En fait, la compagnie originale qui avait la fait compagnie originale. Juste pour vous dire, il reste 20 jours au Kickstarter. Ils sont rendus à un peu plus que 50% de leur objectif. Ça va bien. À mon avis, on va être bon pour voir Carmageddon revenir sur nos écrans d'ordinateur à notre plus grande joie. Excellent. On est bien content d'entendre ça. Et effectivement, un bon jeu, je me rappelle, d'avoir joué à l'époque quand j'étais jeune. Et on va y aller en musique. Une dernière petite chanson avant notre départ. Un spécial japonais, Night of Fire avec Inoue Team. Vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Alors bonjour tout le monde, ici Bonhomme Carnaval. Vous écoutez Puissance Maximale, installez-vous à vos jeux et soyez comme moi, le meilleur dans ce que vous faites. Et oui, de retour à Puissance Maximale pour vous annoncer la fin de cette merveilleuse émission de deux heures, entre autres sur Diablo 3. Et je veux remercier M. Andrew Castegan pour sa précieuse collaboration. Toujours un plaisir. N'oubliez pas, je suis disponible, les compagnies de jeu. Appelez-moi. Merci, Andrew, d'ailleurs, pour ton travail à la console, la mise en onde à l'émission. Merci beaucoup. Mon nom à moi est Michael Michaud. Toujours fier d'animer cette émission et de vous parler de nouvelles ludiques et d'autres choses. On vous rappelle que Puissance Maximale, c'est un site Internet, le www.puissancemaximale.com. Allez sur Facebook, tapez Puissance Maximale, vous allez nous retrouver. Il y a le site Internet de CKIA FM, donc le CKIAFM.org pour vos cartes de membres. Encouragez la station et en même temps votre émission Puissance Maximale, votre émission préféré. Et tout de suite après nous, c'est la voix du libre. On parle informatique et logiciel libre. Donc, je vous souhaite une belle semaine de jeu. Fighting with the legends of yore. It's D&D. Never kissed a lady before. Nope. Mm-hmm. Woo! All right. Take it home. A little solo for it. Now the Lord of the Rings, the dark crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb, when I'm not out with my girlfriend. It's the end. Whoa, whoa, whoa, whoa. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's D&D, warriors who terrify. It's D&D, virgins till the day.